Une passion par Élie Berthet, chapitre 1er. Au commencement de ce siècle, on voyait sur les bords de la Loire, à peu de distance d'Orléans, une petite maison de campagne, située dans une position pittoresque et délicieuse. Les voyageurs, en passant sur une grande route voisine, s'arrêtaient avec complaisance pour admirer de loin cette habitation proprette et élégante, avec ses encoignures de briques rouges, sa vigne joyeuse s'étalant sur la façade comme un éventail de verdure, ses fenêtres encadrées de liserons pourpres, et ses deux girouettes jadis dorées qui la surmontaient d'une manière toute féodale. On eût dit d'une de ces retraites heureuses que rêve le sage où le vieillard voudrait mourir. Cependant, vers la fin de l'automne de 1804, si quelqu'un de ces passants enthousiastes eût suivi l'étroite avenue de cerisiers rabougris qui conduisait aux herbages, ainsi s'appelait cette petite propriété, il eût bien vite reconnu combien les apparences sont trompeuses. Le toit était en mauvais état, et ceux qui l'abritaient devaient redouter les orages. Les volets, autrefois peints en verre, tombaient en pièces. Le jardin, attenant à la maison, était en friche, hérissé d'orties, de mercurial, de chardon et d'autres plantes sauvages. Ça et deux bépines, abandonnées à elles-mêmes, projetaient ça et là des branches parasites. Enfin, on eût su s'il fallait attribuer ce désordre et cet état de dégradation à l'insouciance profonde ou à la misère du propriétaire. Mais une large affiche intimement adhérente à la porte principale et qu'une main impatiente avait cherché à arracher dans un transport de colère laissait lire en grosses lettres noires sur un fond rouge cette fatale inscription « À vendre par expropriation forcée ». Cette maison appartenait alors à un hobereau peu fortuné, le chevalier de Menneville, qui avait eu autrefois une modique charge dans les chasses de Louis XVI. Telle était son obscurité, son peu d'influence dans le pays, qu'on n'avait pas même songé à l'inquiéter pendant la Terreur, à propos de son titre de noble, dont il n'était pas moins fier. Le chevalier était un homme simple, bon, affable avec tout le monde, ce fut ce qui le sauva. Les herbages étaient d'un rapport très modique. Cependant, le chevalier avait à pourvoir sa femme et sa fille Octavie. Celle-ci, charmante enfant de 16 ans, grandissait dans cette campagne solitaire comme une plante précieuse et ignorée. Sans faire une dépense qui aurait pu attirer l'attention sur lui, il aurait voulu tenir un rang un peu plus élevé que les simples paysans des alentours. De plus, comme nous allons le voir, il avait une passion dominante, une sorte de monomanie qui absorbait son temps, ses pensées et son misérable revenu. Aussi, pendant plusieurs années, Menneville avait-il vendu séparément et par petits lots les terres labourables, les vignes, les prairies productives dépendantes de cette propriété. Bientôt, il ne lui resta plus que la petite maison que nous venons de décrire. À quelque distance des herbages, se trouvait une autre habitation, d'une apparence moins attrayante sans doute que celle du chevalier, mais dont l'aspect aurait plu davantage à un utilitaire de notre époque. C'était une ferme aux abords fétides et repoussants, mais ses vastes granges regorgeaient de foin, ses greniers de blé. De gras pâturages, des forêts, des champs fertiles en dépendaient. De magnifiques troupeaux rentrent le soir dans ses étables. Tout y respirait l'abondance et la prospérité. Monsieur Simon, le propriétaire de cette habitation, avait reçu dans le pays le surnom tant soit peu trivial de Rognoliard, à cause de son avarice bien connue. C'était un ancien fermier qui avait su profiter des circonstances pour amasser une grande fortune. C'était lui qui avait acheté morceau à morceau les terres que Menneville avait été forcé de vendre. C'était lui qui avait prêté de l'argent sur hypothèque. Malgré tout cela, telle avait été sa finesse, son apparente bonhomie que le chevalier s'était cru son obligé. Aussi, Menneville avait-il cherché à oublier quelle était l'origine de la fortune de l'ancien fermier. Il avait reçu amicalement son voisin chez lui. La famille du noble et celle du parvenu avaient paru un moment, malgré la différence des conditions, vivre dans une parfaite intimité. Simon avait un fils unique, âgé alors de 20 ans, à qui il avait fait donner à Paris une éducation brillante. Charles, c'était le nom de ce fils, avait dignement répondu à l'attente de son père. Quand, après avoir terminé ses études, il revint à la ferme avec le titre d'avocat, il fut accueilli avec affection par le chevalier. Madame de Menneville se montra pleine de bienveillance pour ce jeune homme poli et aimable, qui lui rappelait sa société d'autrefois, et Octavie, innocent enfant qui s'abandonnait naturellement à ses impressions, aima sans s'en douter d'abord le fils du fermier. Charles aimait aussi Octavie, et la fortune immense dont il était l'héritier présomptif semblait devoir combler l'abîme qui existait entre elle et lui. Quand il parla à son père de cette passion naissante, le vieux rogne Liard se frotta les mains avec satisfaction, comme s'il voyait enfin s'approcher la réalisation d'un rêve favori. Il sourit à son fils, endossa son habit des dimanches et se mit en route pour les herbages en disant gaiement « Attends-moi, mon garçon, notre voisin n'est pas un Turc, et malgré tous les deux du monde, l'affaire sera bientôt bâclée. Il y a longtemps que j'y travaille. » Mais Simon avait compté sans son hôte. Le hobereau reçut très mal la demande du fermier. Le fermier se fâcha, des mots piquants furent échangés, les deux voisins se séparèrent avec des menaces d'une part et des défis injurieux de l'autre. Dès ce moment commença entre eux une de ces haines de campagnards si vives, si profondes, si envenimées. Simon réclama les sommes qui lui étaient dues. Le chevalier ne pouvait payer. Il y eut des exploits d'huissier, des saisies, à la suite desquelles cette redoutable affiche rouge, dont nous venons de parler, se trouva un beau matin collée à la porte de la maison. Cependant, si l'on en croyait les rapports des paysans du voisinage, Charles et Octavie n'avaient pas cessé de s'aimer, malgré l'inimitié mortelle de leurs parents. Voilà donc où en étaient les choses au moment où commence cette histoire. Le chevalier et sa famille se trouvaient réduits à la dernière misère par suite des procès que leur avait suscité l'implacable fermier. Madame de Menneville, malade de chagrin, ne pouvait plus quitter le lit. Mais quelle était la cause d'une ruine aussi complète? Par une belle matinée de septembre, Menneville, revêtu d'un vieil habit dont les nombreuses reprises attestaient plus de misère que de négligence, se promenait tristement dans son jardin. À l'extrémité de l'allée principale était une immense volière, divisée en un grand nombre de compartiments inégaux. Chacun d'eux était occupé par des oiseaux d'espèces différentes, dont plusieurs semblaient rares et curieuses. Quand le chevalier s'approcha, la petite colonie sembla s'animer tout à coup. Menneville regarda avec douleur les mangeoires vides. Deux grosses larmes coulèrent sur ses joues. On devine à présent quelle était la passion ruineuse du pauvre campagnard. « Rien, plus rien !» disait-il en se frappant le front. « Mon Dieu, que l'indigence est une chose horrible !» Ramenant sous ses bras les basques râpées de son vieil habit, il se mit à ramasser autour de la volière ces grains que les oiseaux jettent à droite et à gauche en prenant leur nourriture. Quand il en avait trouvé, il s'empressait de les porter aux pauvres affamés. Mais c'était si peu. Tout à coup, il se leva. Il venait de prendre un parti. « Puisque je ne peux les nourrir, dit-il, je rendrai au moins la liberté à ceux qui trouveront leur vie dans la campagne. Les retenir plus longtemps captifs serait une barbarie inutile. » Il s'approcha de la partie de la volière où se trouvaient les oiseaux pêcheurs, auxquels il n'avait plus de petits poissons à donner. Il ouvrit la porte avec une sorte de recueillement solennel et en détournant les yeux. D'abord, les pensionnaires semblaient douter de sa sincérité. Ils regardaient avec étonnement leur prison ouverte. Le premier qui profita de cette faveur fut un robuste héron. Il allongea hardiment son cou moucheté hors de la cage et s'élança d'un bond dans le jardin. Là, il fit claquer son bec, hérissa ses plumes sous cet air libre, puis tout à coup, étendant ses ailes puissantes, il s'éleva rapidement jusqu'au nuage. Les oiseaux qui étaient dans le même compartiment de la cage s'élancèrent après lui. Pendant quelques minutes, le chevalier les suivit du regard dans les vastes plaines de l'air qu'il parcourait en poussant de rauques cris de joie. Après ce sacrifice douloureux, Menneville s'avança lentement vers l'autre extrémité de la volière. Il s'arrêta devant un magnifique oiseau, de la grosseur d'un dindon, au plumage bleu ardoisé, dont la tête était surmontée d'une large huppe blanche. C'était le pigeon couronné des Indes, le plus rare et le plus précieux de tous ceux que possédait le chevalier. Pour le payer, il l'avait vendu jusqu'à ses bijoux de famille. Il le regarda plus longtemps que les autres. L'oiseau n'avait pas touché un morceau du pain grossier placé devant lui. « Cette nourriture ne lui convient pas, » murmura-t-il. « Mon pigeon couronné va mourir de faim. Oh, mon Dieu, que faire pour le sauver ?» En ce moment, une voix plaintive se fit entendre dans le jardin. On appelait Menneville, mais absorbé dans sa douleur, il ne répondait pas. « mon père !» répéta la voix. Une jeune fille pâle et défaillante s'approcha de la volière. C'était Octavie. L'extérieur de la pauvre enfant attestait comme celui du chevalier un profond dénuement. « Qu'y a-t-il donc ?» dit le chevalier sans cesser de regarder avec douleur le superbe oiseau des Indes. « Mon père, monsieur le curé est venu voir ma bonne maman et il désire vous parler. J'y vais, ma fille, » il ajouta après quelques secondes. « Regarde, Octavie, mon beau pigeon est malade. Maman est bien malade aussi. dit la jeune fille avec une tristesse angélique où il n'y avait pas même de reproche pour la folie de son père. « Il a faim !» reprit le chevalier. Octavie tourna la tête sans répondre. Son père la comprit et la pressa dans ses bras en murmurant avec des sanglots étouffés. « Et nous aussi, n'est-ce pas, ma fille ?»